Exercice 4, page 88. Hermès, elle-même, dernière, derrière. Tintin, 25. Un bain, rien qu'un. Quelqu'un, certain. Berlin, Kremlin. Vincennes, 27. Index, princesse.